ces créatures adorées ne pourront apporter aucun secours à leurs dévots, s'ils leur demandent. وَلَا نَفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ لَيَسْتَطِعُونَ هَا وَلَا يَسْتَطِعَهَا وَلَا الْمَعْبُودُونَ أَنْ يَنْصُرُوا أَنْفُسَهُمْ إِذَا اعْتُدِيَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ غَايَةُ الْعَجْزِ. Que eux-mêmes, ils ne peuvent se protéger. Il fut rapporté l'histoire d'un sahabi dans la Jahiliya qu'ils avaient un idole, je ne sais où. Et ils apportaient des offrandes. D'accord? Et il avait dit à ce sahabi d'apporter du samd. C'est comme du beurre un peu. Et de laisser près de l'idole. Il a posé le samd, il avait faim. Mais il avait peur de manger du samd. Il s'est dit, ça c'est pour l'idole, c'est mieux j'en mange. Je peux être atteint d'un mal de telle chose. C'était une idole façonnée comme ça. والاثر في الزهد للمبارك سيتم pas cher boubile qara'ahu alayna. Donc il a posé le zubda et s'est éloigné. Il a vu un chien arriver, un chien errant. Le chien est arrivé, il a mangé le zubda, il a uriné sur l'idole, il est parti. Et en voyant ça, il a tilté. Il avait peur de manger pour cette créature qui n'a pas pu se protéger d'une d'un chien. Et le zoubda, elle mange même... C'est une pierre, ça ne mange pas une pierre. Le chien est arrivé, pour te dire que le chien, il a arqal min mushrik, d'accord. Il est arrivé, il a mangé le zoubda, il a eu faim, et il a fait ses sur l'idole, il est parti. Et tu verras certains parmi ceux qui ont des idoles, il a un bouddha, il son yoga, il fait son geste, il fait tomber le bouddha, « Oh, mon bouddha, il est tombé par terre !» Il le remet. Ouais, bah justement, il est tombé par terre. C'est pas... C'est toi qui l'as pris et qui l'as remis en place, qui le protège. À la base, parmi vous deux, qui est le plus fort. C'est toi ou c'est lui? C'est toi. Mais pourtant, c'est toi qui l'adore, lui, qui te ramasse devant lui. Il est tombé, qui l'a ramassé, c'est toi qui l'a ramassé. Pourquoi tu l'invoques? Pourquoi tu l'invoques? C'est absurde. Eh bien, les mouchtikoun, hum ala hala. يقول في الشرح الإجمالي يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على مشرك العرب وغيرهم عبادة هؤلاء المخلوقين الذين لا يستطيعون إيجاد شيء وهم مخلقون ومحدثون من العدم ولا يستطيعون نصر معبودهم إذا طلبوا منهم ذلك بل ولا يستطيعون نصر أنفسهم إذا اعتدي عليهم وذلك غاية العجز والهوان. Donc là Allah dans le verset informe amplement ces mushrikin des Arabes auparavant leur adoration qu'ils vouaient à des créatures qui ne pouvaient rien créer et qui ne pouvaient ni se défendre elles-mêmes ni se défendre eux. Pour dire que c'est vraiment la pure incapacité de la part de ces adorés. Donc pourquoi tu l'adores? C'est absurde. Il y a quoi les fawaïd? Il y a un jahil des mouchriquins. Ça montre l'ignorance des mouchriquins. Izbat aj al ma'boudin aïd Allah wa adam is salahayatihim. صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلي. Ça montre justement l'incapacité de ces idoles en dehors d'Allah et qui ne méritent pas d'être adorées. Vraiment pas. Et cela, en se basant sur quoi? Sur la raison. Même sur les versets. On l'a dit tout à l'heure. Tu viens, un, il a un idole, je sais que je ne sais pas. Tu viens, tu pousses l'idole, tombe par terre. Il va faire une crise. Tu vois? Il dit pourquoi tu t'es énervé? T'as fait tomber Kaza et Kaza. Je suis alors. C'est pas qu'est-ce qu'il va le faire? Il dit, c'est pas protégé, il va me faire quoi à moi? Il est tombé par terre, il s'est cassé en deux. Il va me faire quoi à moi? Tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire à Ibrahim, avec son peuple, lorsqu'il est arrivé, il a cassé toutes les idoles, à part la plus grande? Man fa'ala hadha bi aliyatina. Inna ulamina zalimin. Qui a fait cela? À nos idoles. C'est certain injuste. Qalou samina fatin yuskallahu Ibrahim. فَاتُوا بِيَا الْعَيُنِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ لَعَلَهُمْ Attends, j'ai vu le verset. لَعَلَهُمْ أَسْأَلُهُ وَاتُوا بِيَا الْعَيُنِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَشْحَدُونَ. J'ai oublié le verset. Appelez-le devant les gens, peut-être qu'il reconnaîtra. قَالُوا وَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِأَلْيَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلُوا كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُهُ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Il a dit, c'est toi qui as fait cela, Ibrahim, à nos divinités. Il a dit, c'est le grand là qui l'a fait. Demandez-lui s'il peut parler. فقالوا انكم انتم ظالمون فوبنوا ايمان ودي فتز انجست pourquoi va interroger il parle pas et à la fin il dit afatabuduna afatabuduna min dunillahi bal yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uf innakum lima ta'budun min dunillahi fala ta'qilun. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut rien vous apporter ni vous nuire? Oui, vous n'avez pas de raison. Et là, ce qu'Ibrahim l'a fait, ça s'appelle Tawriya. C'est pas un mensonge. Ce qu'il n'a pas dit, dans le sens, c'est pas affirmé que c'était comme une forme de... C'est lui qui l'a fait, dans le sens, peut-être. Demandez-lui. Voilà ce qu'il y a à vous dire. Et à ce moment-là, ils ont vu, il va parler. Ben, s'il ne parle pas, pourquoi vous l'adorez? S'il ne peut pas vous répondre à cette question-là simple, pourquoi vous l'adorez? Et malgré cela, ils sont revenus à eux, et après la rage qu'ils ont pris, ils sont revenus sur leur truc. Quand l'eau, enfin, sous l'eau, elle est attaquée, nous comptons faire Eileen. Sauvez vos divinités. Ah ouais, vous allez sauver vos divinités alors que ce sont des divinités, c'est vous qui allez les sauver. Harikuhu, wansuru aliyatakum. Comment ils ont dit, non? Harikuhu, wansuru aliyatakum. Brûlez-le et sauvez vos divinités. Et de là, Allah, il a dit, Yanaru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Il a dit au feu, sois fraîcheur et froid et paix pour Ibrahim. Donc là, ce fut un ders, azim. Et Ibrahim n'a pas eu peur du feu. Lorsqu'il était, enfin, pas peur dans le sens, ça n'a pas freiné de faire ce qu'il a fait. Et lorsqu'il était jeté au feu, il a dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, qu'elle a me suffi et qu'elle bon garant. C'est pour ça qu'il est parmi les meilleurs prophètes et messagers. À lui tout seul, il a fait tout cela. Tout son peuple et son père s'opposent à eux. Pourquoi? Liad al-Qasd. D'accord? Pour la fausse divinité. Et il arrive avec quoi? Avec le Aql. Comme lorsqu'il a vu, lorsque la nuit est venue, il a vu une étoile. Il a dit à son peuple, est-ce cela mon Seigneur? Lorsque l'étoile est partie, il a dit, j'aime pas ceux qui partent. Parce qu'il a vu la lune, il a dit, est-ce mon Seigneur, c'est plus grand. Tu vois? Non, Akbar, c'est pour le soleil. Et lorsqu'il est parti, il a dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les hommes déségarés. Lorsque le soleil est arrivé, il a dit, Hadha Akbar. Ça, c'est encore plus grand, quoi. Est-ce mon Seigneur? Lorsqu'il est parti, il a dit, tu vois, dans le sens, il a dit à son peuple, regardez, vos divinités, elles partent et elles viennent, elles partent et elles viennent. Pour leur montrer, par le Akl. D'accord? Par le Akl. Et quand on dit le Akl, il est mouafiq, le char. Ce n'est pas des choses par le Akl qui s'opposent à la législation.